Ok. Ya, BES, Regwan, n'oublie pas, mec. Valdef, Noisiel. Si, si. BES. On n'oublie pas. J'étais pas là, fais j'oublie pas, me parle pas, je te connais pas, je me faufile pas en cas d'histoire, mais j'oublie pas mes règles, ceux qui m'ont remis dans la trajectoire. Tout va trop vite, 5 secondes suffit pour finir parapégique. Mais j'oublie pas ceux qui sont partis d'une rupture, d'un névrisme, d'un accident, d'une balle ou d'un suicide. Des fois s'il te plaît, ne meurs pas après une cuite. Mais Dimitri, mais qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là? Et aujourd'hui je mets des fleurs sur une plaque en marbre. Mais j'oublie pas ceux qui sont derrière cette porte en métal, un maton, un trousseau, un tacasso qui part au cou égal métal. Mais j'oublie pas mes rêves sous les ça, mais j'oublie pas mon 7-7, la ferme du buisson. Rigole après ce nom et les petits te feront l'appeler la ferme du buisson. Mais j'oublie pas Brahim, toutes les conneries qu'on a faites. VES, Regwan, on n'oublie pas. Et quand rien ne va, surtout n'oublie pas ceux qui sont là pour toi. Tu n'es pas seul, tu vois. Sans tes frères, tu ferais quoi? Serais-tu le même? Hey, j'ai pas oublié. Ces délires sur les terrasses, ouais, ouais. Des parties de gago bullshit que les Schmitt venaient nous kérap. J'ai pas oublié, non, tous ces coups de sifflet chez Freezer. Je rentre à 3h, je me fais péter à 6h. Après un pet, je m'endors, je me réveille, je suis libérable. J'oublierai pas toutes ces années de galère, ouais. J'oublierai pas la vue de Danton avec SENI, c'était shit barbecue, SON, barreau de sans permis. J'oublierai pas si tu me dépannes dans la merde. J'oublierai pas, poto, si je me fight et tu me laisses dans la merde. J'oublierai pas mon pote E2SAN, quoi que t'aies fait. Je te le dis direct, sans toi c'est plus la même. J'oublierai pas mon 1AV, Charles Garcia, 5ème étage, gros. Y'avait les mêmes têtes à chaque fois. Mec, n'oublie pas que mon deuxième place c'est alias enfoiré. Si tu me baises, j'oublierai pas de t'enfourailler. Ceux qui sont là pour toi. Tu n'es pas seul, tu vois. Sans tes frères, tu ferais quoi? Serais-tu le même?